respire, chaque ombre m'appelle. Chaque souffle vibre, chaque flamme est cruelle. Riders qu'il murmure, son nom en fier. Ton souffle glisse comme un serpent. Chaque mot brûle, lourd et lent. Riders qui le charme, ses murmures m'enchaînent. La foule danse, happée par la peine. Tes yeux m'entourent comme une proie. Chaque frisson m'égorge, me noie. Ton nom s'imprime sur ma peau. Le feu s'élève, les tambours m'appellent. Chaque cri résonne, chaque voix chancelle. Riders qu'il règne, son nom en transe. La foule s'écroule, ivre de démence. Son souffle lourd s'accroche au mien. Chaque mot sculpte un désir ancien. Je susurre ton nom dans la moiteur. Chaque phrase t'attache à ma peur. Tes mains m'enserrent comme des lianes. Chaque souffle pèse, chaque ombre condamne. Riders qui le charme, sa voix m'a servi. La foule tremble, happée par la nuit. Ton corps s'approche, le feu s'éveille. Chaque cri s'élève, la sueur me réveille. Ton nom me hante dans la chaleur. Chaque soupir. Chaque mot m'entraîne dans l'orage. Whisper du jungle fire. Rider skill pull us higher through the night. Shadows fall, obsession rules consuming all. Sous les lianes, nos voix persistent. Riders qu'il charme, son nom demeure. La jungle tremble, guidée par son ardeur. Chaque mot s'éteint, mais brûle encore. Obsession règne, désir plus fort.